pas plus grand mon gars, nous t'envoie les kilos. Mucho, mucho, on est plus des minots. La force est des aides, le feu de Mexico. On te traque sur les champs, on boulevard à bateau, dans le bateau, que la famille pas de Savastano. Et le week-end, il faut la mala. Pas d'un coup de danse, ça réclame des mandats. T'es beau, mets ta lune, prévais ta copine. Le monde à la rétine, que des fous, je suis gaga. J'passe mon temps à regarder l'humain se niquer. Allez, regardez nous critiquer. Je me présente, on m'appelle à fusée. Je suis monté seul en total ND. J'prends le monde, ouais, mucho, caramelo. Sur la BA, c'est faire des allers-retours pour mon numéro. Mucho, mucho, on fait des zéros. Le cœur est vide, le verre est plein, le moral est à zéro. J'prends le monde, ouais, mucho, caramelo. Sur la BA, c'est faire des allers-retours pour mon numéro. Mucho, mucho, on fait des zéros. Le cœur est vide, le verre est plein, le moral. Si nous les macaques, on te voit le crack. Eh ouais, putain, on fera jamais les sacs. Ouais, on te braque, on te rebraque. Appelle ton père, même appelle-nous la braque. Ouais, tu sais pas, Gambino sous la trappe. Ouais, je prends ta puta, j'ai mis le contact. Une dose de crack, une dose de moula. Et les Yankees, ils nous fait le macaque. Ouais, c'est des Z, Z, Z, Z. 35 à l'autoroute à 7. Et gilet rat, gilet pare-balles, y'a pas de rap, te finis sur l'autoroute à 7. Total ND, ouais, c'est pour moi la 7. Ouais, j'étais au charbon, toi tu faisais la sieste. Tu fais la malade, toi t'as trop fait la fête. Pas d'un coup au quartier, ça faisait la mallette. Prends le monde, ouais, mucho, caramelo. Sur la BA, c'est faire des allers-retours pour mon numéro. Mucho, mucho, on fait des zéros. Le cœur est vide, le verre est plein, le moral est à zéro. Prends le monde, ouais, mucho, caramelo. Sur la BA, c'est faire des allers-retours pour mon numéro. Mucho, mucho, on fait des zéros. Le cœur est vide, le verre est plein, le moral est à zéro.